Chapitre 12. Un don à nul autre pareil. Qu'as-tu dans ta main ? Demanda Dieu à Moïse. Un bâton. Un simple bâton en bois. Mais avec cela, Moïse allait délivrer Israël. Dans les mains de 300 hommes, Dieu s'est servi de trompettes, de torches et de jarres de terre pour aider Gédéon et sa bande à mettre les Madianites en déroute. Dans les mains de Jésus, 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 personnes. Dieu emploie souvent ce qui est simple, humble et apparemment faible. Quand l'Église adventiste du septième jour est sortie des cendres de la Grande Déception de 1844, Dieu s'est servi d'une jeune fille comme messagère pour le reste. Hélène Harmon, née en 1827, reçut une vision portant sur le peuple de Dieu en route vers le ciel alors qu'elle n'avait que 17 ans. Ce sera la première de plus de 2000 visions qu'elle recevra durant le ministère de toute une vie. En 1846, Hélène épousa James White, un jeune pasteur qui partageait avec elle la conviction que Jésus allait revenir bientôt. Peu après leur mariage, James et Hélène acceptèrent la vérité biblique sur le sabbat. Hélène et son mari James, tout comme un capitaine de marine à la retraite Joseph Bates, sont considérés comme les fondateurs de l'Église adventiste, qui fut organisée en 1863. Les lecteurs adventistes savent que Madame White, ou Sir White ainsi qu'elle est appelée dans l'Église, fut un auteur prolifique qui publia 40 livres et 5000 articles de revue. Depuis sa mort en 1915, de nombreux autres livres ont été publiés à partir de documents non encore publiés et de compilations extraites de ses publications. Aujourd'hui, plus de 100 de ses livres sont imprimés en anglais et elle est l'auteur féminin américain le plus traduit de tous les temps. Au cours de son long ministère, elle joua personnellement un rôle déterminant dans la création des divers services de l'Église que sont le service médical, le service de l'éducation et celui des publications. Bien sûr, ses publications fondées pour beaucoup sur ses visions accompagnèrent la jeune Église dans ses débuts comme elle continue à le faire aujourd'hui. Dès le début, les croyants adventistes ont été convaincus qu'Ellen White possédait le véritable don biblique de la prophétie. Ils croyaient aussi qu'Apocalypse 12:7 et 19:10 faisaient mention de ce don de prophétie comme étant l'une des marques d'identification du reste final de Dieu. Bien qu'Ellen White n'ait jamais elle-même prétendu être un prophète, se référant plutôt à elle-même comme « la messagère du Seigneur », en lui appliquant à elle et à ses écrits les critères bibliques permettant d'identifier un prophète, les adventistes ont été convaincus qu'elle possédait l'authentique don de prophétie. Résumé de façon brève, voici les critères que la Bible nous a donnés pour déterminer si oui ou non une personne possède l'authentique don de prophétie. 1. Le test des prédictions accomplies. Selon Jérémie 28:9, si un prophète annonce que tout ira bien, c'est quand viendra ce qu'il a annoncé qu'il sera reconnu comme un prophète vraiment envoyé par le Seigneur. Ce critère biblique comprend aussi le principe de la prophétie conditionnelle, qui admet que la réalisation de certaines prophéties dépend de la réponse du peuple de Dieu. C'est encore Jérémie qui énonce ce principe. Tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui me déplaît, sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Jérémie 18:7-10. 2. Le test de la conformité avec la Bible. Selon Ésaïe 8:20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. À l'époque de la Bible, comme dans les siècles qui ont suivi, la somme totale des écrits scripturaires prophétiques antérieurs était la pierre de touche qui permettait d'évaluer les messages des prophètes suivants. Bien que les prophètes plus tardifs puissent énoncer des perspectives nouvelles concernant les vérités de Dieu, ces concepts ne devaient jamais contredire les vérités fondamentales déjà révélées par les prophètes bibliques antérieurs. 3. Le test des fruits portés. Matthieu 7:15-20. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À la différence des deux premiers, ce test prend du temps, de même que les fruits ne se développent pas et ne mûrissent pas en une nuit. Mais comme le caractère, le ministère et les messages d'un prophète deviennent de plus en plus évidents, Une évaluation attentive révélera de plus en plus si le fruit est conforme à ce que l'arbre prophétique se doit de produire. 4. Un vrai prophète ne fait pas que reconnaître que Jésus a vécu une fois sur la terre. 1 Jean 4, 1-3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Le vrai prophète professe et fait savoir que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. L'incarnation de Jésus est une donnée centrale dans le ministère et le témoignage d'un vrai prophète. 5. Le test de la source. Les vrais prophètes ne confectionnent pas leur propre prophétie, mais présentent aux autres ce que l'Esprit leur a révélé. 2 Pierre 1:21. En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. De même, les vrais prophètes n'énoncent pas leur interprétation personnelle ou privée de la prophétie. Ils s'appuient plutôt sur les Écritures pour donner leur interprétation. Vous savez, avant tout, qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne relève d'une interprétation particulière. 2 Pierre 1:20. Dès les premiers jours du mouvement adventiste jusqu'à présent, des centaines, des milliers et finalement des millions de personnes ont étudié la vie et les messages d'Ellen White et évalué son ministère par ses tests bibliques du vrai prophète. Au cours de chaque décennie, la conclusion a été la même. Ellen White a fait la preuve dans sa façon de vivre, dans ses discours et dans ses écrits, qu'elle avait les traits d'un vrai prophète. Mais, demanderont certains, quel rapport les écrits d'Ellen White ont-ils avec la Bible ? Forment-ils une addition à la Bible ? Si c'est le cas, comment cette idée peut-elle être en accord avec l'affirmation de la Réforme sur la Bible, qui l'établit comme seul critère, la Bible et la Bible seule ? Au cours des premières années de l'Église, les adventistes ont eu à traiter ces questions. En 1863, Uriah Smith, premier auteur et éditeur adventiste, a écrit un article dans la revue de l'Église, la Review and Herald, intitulé « Renonçons-nous à la Bible en souscrivant aux visions ». Dans cet article, il mit l'accent sur le principe clé de la réforme, la Bible et la Bible seule. Le pilote portuaire. Dans son article, Uriah Smith fait usage d'une illustration. Celle d'un transatlantique qui approche de son port de destination. Selon le manuel de la navigation, juste avant d'entrer dans le port, le navire doit s'arrêter et faire monter à bord un pilote portuaire, un pilote qui connaît les dangers des eaux du port. Les dons de l'esprit, écrit-il, sont donnés pour nous piloter au travers de ces temps périlleux, et où que ce soit et en quiconque nous en découvrons d'authentiques manifestations, nous sommes tenus de les respecter. Nous ne pourrions faire autrement sans rejeter la parole de Dieu qui nous recommande de les accepter. Qui maintenant s'appuie sur la Bible et la Bible seule? Review and Herald, 13 janvier 1863. Alors que l'Église du reste s'approche du port, la Bible dit qu'à ce reste sera donné un pilote, le don de prophétie, pour le conduire dans les eaux périlleuses de son fin de voyage. Si c'est là en fait ce que la Bible dit, et nous avons déjà vu dans l'Apocalypse que c'est le cas, alors qui, demande Uriah Smith, croit vraiment dans la Bible et la Bible seule? Ceux qui acceptent le pilote ou ceux qui ne l'acceptent pas? Ellen White elle-même n'a jamais dit que ses écrits constituent une addition à la Bible. Elle les considérait comme une moindre lumière conduisant à la plus grande. De même que Jésus est venu révéler le Père et que l'Esprit l'élève, les écrits prophétiques de Sœur White élèvent et honorent la Bible. D'autres églises, bien sûr, ont aussi leurs prophètes ou leurs livres inspirés. Mais ils offrent des différences majeures. Les Mormons, ou l'Église des Saints des Derniers Jours, qui ont vu le jour à peu près en même temps que les Adventistes, ont leur livre des Mormons et d'autres encore qu'ils considèrent comme inspirés. Ils considèrent ces livres, au même niveau que la Bible, comme un supplément. Il en va de même avec les livres apocryphes que l'Église catholique romaine considère comme faisant entièrement partie de la Bible elle-même. Les écrits d'Ellen White, que les adventistes appellent aussi les écrits de l'esprit de prophétie, sont davantage considérés comme une loupe ou une lumière qui éclaire la Bible pour faciliter la perception et la compréhension des vérités qu'elle contient. Il y a encore une autre grande différence entre les adventistes et les autres églises qui affirment posséder des prophètes ou des écrits inspirés. Les catholiques, par exemple, considèrent les déclarations papales et la tradition comme étant supérieures à la Bible. Ils détiennent la préséance, même si ces deux sources, la Bible et la tradition, sont en désaccord. Mais les adventistes croient que tout don et toute manifestation de l'esprit doit être évalué par la Bible, et que ce qui n'est pas en harmonie avec elle ne peut être accepté. Pourquoi le don prophétique ? Comment devrions-nous considérer le rôle de l'esprit de prophétie dans l'Église ? Quelle est sa raison d'être ? Pourquoi Dieu pense-t-il que l'Église en a besoin ? Voici quelques suggestions. 1. De même que le petit groupe de fidèles à travers les siècles s'est fait le défenseur des vérités de la Bible négligées ou supprimées, l'esprit de prophétie met en lumière des vérités que Dieu veut restaurer en ces derniers jours de l'histoire humaine. Le sabbat, le sanctuaire, l'état des morts, la seconde venue et la grande vérité de la justification par la foi en Jésus. Mais n'acceptons jamais l'accusation de certains selon laquelle les adventistes ont développé leur doctrine, assemblé leur corps de vérité en s'appuyant essentiellement sur les écrits et les visions d'Ellen White. Par exemple, des critiques de la première heure ont affirmé que la doctrine du sanctuaire céleste fut élaborée et fondée uniquement sur les visions d'Ellen White. En 1874, Uriah Smith, alors éditeur de la Review and Herald, a rédigé ceci dans un éditorial. Des centaines d'articles ont été écrits sur le sujet, mais aucun d'entre eux ne fait référence aux visions comme faisant autorité ou comme source sur laquelle une opinion quelconque serait fondée. Le renvoi est invariablement fait à la Bible, où se trouvent d'abondantes références en faveur du point de vue que nous soutenons sur le sujet. Review and Herald, 22 décembre 1874. Un examen attentif des débuts de notre histoire en tant qu'Église montrera que les mêmes paroles que Smith a écrites à propos du sanctuaire peuvent s'appliquer à toutes les vérités découvertes par les adventistes alors qu'ils approfondissaient la parole. Souvent, après avoir mis à jour une vérité biblique, significative suite à de longues heures de prière et d'études de la Bible, les adventistes ont vu cette vérité confirmée comme véritable et importante par une vision donnée à Ellen White. Et dans les années qui ont suivi, les écrits d'Ellen White ont mis en valeur, pris en compte et souligné l'importance de ces vérités. 2. L'esprit de prophétie est d'une immense valeur pour les adventistes dans leur mission visant à dire la vérité sur Dieu et son caractère d'amour. Dans le grand conflit entre Christ et Satan, l'ennemi s'est consacré à attaquer le caractère de Dieu. Il a toujours été le privilège des véritables partisans de Dieu de défendre et de dire la vérité sur la nature du Dieu qui conduit notre univers. Et alors que le conflit arrive à sa fin, cette mission, qui est maintenant celle du reste, n'a jamais été plus urgente et plus cruciale. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, de la mort et de la misère. Dieu n'est pas le destructeur. Dieu n'est pas un juge vengeur attentif à nous prendre en faute. Dieu n'est pas l'auteur d'une loi qu'il sait impossible à observer. Dans un langage élégant et éloquent, Ellen White a dit la vérité sur Dieu, et ce qu'elle a écrit dans des livres tels que « Un meilleur chemin » vers Jésus, « Jésus-Christ » et « Les paraboles de Jésus » donnent une image de Dieu que les adventistes peuvent volontiers partager avec ceux qui ont été trompés par les mensonges de Satan. 3. L'esprit de prophétie enseigne clairement toute l'histoire du grand conflit. Réalisez-vous qu'aucune autre église, aucun autre groupe religieux dans le monde n'enseigne ou même ne comprend le cœur de l'histoire biblique, le thème du grand conflit ? Il n'appartient qu'aux seuls adventistes, et notre grand privilège est de le partager avec ceux qui n'en ont pas encore entendu parler ou ne l'ont pas encore compris. Le thème du grand conflit est la vue d'ensemble. C'est l'histoire recouvrant le conflit cosmique entre le bien et le mal. C'est la perspective de l'ensemble de la forêt qui montre la place importante occupée par chaque arbre. Le grand conflit est le seul tableau qui peut répondre à la grande et mystérieuse question de la vie. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Pourquoi le monde est-il si méchant si Dieu est si bon? Pourquoi les innocents souffrent-ils? Le thème du grand conflit ne nous enseigne pas seulement comment le mal a commencé, il nous montre clairement comment il va finir. Il nous donne la promesse que le péché et la mort disparaîtront bientôt à jamais, et que nous pouvons avoir l'espérance de la vie éternelle en un lieu de paix parfaite et d'innocence. Le grand conflit, finalement, est le seul tableau qui montre comment chacune des vérités de la Bible est en rapport avec les autres. Vous désirez savoir comment la vérité du millénium est en rapport avec la vérité du sabbat? Le thème du grand conflit vous le dira. Vu dans le cadre du grand conflit, chaque vérité prend sa place comme une simple pièce dans un puzzle. Les gens aiment les histoires. Les histoires aident les gens à comprendre des choses abstraites. Et il n'y a de plus grande histoire, d'histoire plus importante, plus captivante, que l'histoire du grand conflit. 4. L'esprit de prophétie conduit ses lecteurs à la parole. La Bible s'appelle elle-même la parole, mais elle atteste aussi clairement que Jésus lui-même est la parole vivante. Et s'il y a une raison plus essentielle que toute autre pour laquelle Dieu a fait ce grand cadeau à l'Église du reste, c'est bien pour conduire chacun à la parole vivante et à la parole écrite. Les écrits d'Ellen White respirent l'amour et le caractère de Jésus, la parole. Son lourd fardeau a été de conduire ses lecteurs à une relation profonde, réelle, croissante et quotidienne avec lui. Elle l'a exalté dans tout ce qu'elle a écrit. Et sachant que depuis qu'il est ressuscité, Jésus est probablement plus clairement dévoilé dans la parole écrite que n'importe où ailleurs, elle a aussi exalté la Bible. Sa dernière apparition devant l'Église assemblée en session administrative s'est achevée en élevant bien haut la Bible et en disant « Frères, je vous recommande ce livre ». 5. Au travers de l'esprit de prophétie, Dieu n'a pas seulement fait savoir comment être heureux et sain, mais aussi comment être en meilleure santé. Un des plus grands dons que le Seigneur ait fait à son peuple au travers du don prophétique est ce que les adventistes en sont venus à appeler le message de la santé. Aujourd'hui, la science médicale et la recherche continuent à parvenir à des conclusions qui confirment ce que Ellen White a dit sur la santé, la maladie et le corps humain il y a 100 ans ou plus. À une époque où les médecins prescrivaient de fumer comme traitement d'un problème pulmonaire, elle avertit sur les effets mortels de la nicotine. Elle se montra des décennies en avance sur son temps en dénonçant une alimentation carnée, l'excès de poids et l'alcool. Et aujourd'hui, des centres de santé onéreux font usage de méthodes de guérison simples et naturelles à propos desquelles elle a écrit il y a des décennies. 6. Au travers du don prophétique, Dieu a aussi partagé avec son peuple des instructions occasionnelles et des prédictions. Très tôt dans son ministère, Ellen White prédit la tragédie qui deviendrait la guerre civile avant même qu'elle ne débute. Elle prophétisa aussi le développement du spiritisme qui connaît aujourd'hui de multiples manifestations. La philosophie du Nouvel Âge, le mysticisme oriental, la communication avec les morts, l'astrologie, la parapsychologie, les médiums et bien d'autres encore. Ses prédictions concernant le rôle de la papauté et les États-Unis dans l'accomplissement de la prophétie sont d'une particulière pertinence aujourd'hui. Oui, si Dieu a donné ce grand don prophétique au reste de la prophétie, vous pouvez être certain que l'ennemi l'attaquera avec violence. Et il l'a fait. Toutes les accusations possibles, les questions et les chefs d'accusation ont été portés contre lui. Tous les doutes, toutes les insinuations imaginables ont été émis. Mais de même que la parole qu'elle a exaltée a résisté à des siècles d'attaques, ainsi en est-il du don prophétique au reste de Dieu. Nous sommes bénis et privilégiés. Il ne fait aucun doute qu'Ellen White fut un faible être humain. Elle fut sujet à l'erreur, même en tant qu'auteur. Mais prenez ce qu'elle a écrit dans son entièreté, plutôt que des mots ou des phrases isolées, et vous verrez que son message fut et est encore cohérent, sensible et en harmonie avec la plus grande lumière. Certains adventistes sont parfois un peu embarrassés que nous ayons un prophète. Mais Israël fut-il embarrassé d'avoir un sanctuaire, un temple, ses propres prophètes, qu'il fût lui aussi un peuple élu? Nous devrions nous sentir bénis et privilégiés que Dieu ait confié ce merveilleux don à ceux qui, comme nous, font partie de son reste final. Dieu ne nous a pas abandonnés à trouver nous-mêmes notre chemin dans le chenal rocailleux. Il nous a envoyé un pilote portuaire. Qu'est-ce que cela exprime à notre sujet et à son sujet? À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.